Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la légende de l'Atlantide. Aucune légende ne part jamais d'absolument rien. Le déluge, on sait qu'il y a eu, quelque chose qui a ressemblé à un déluge à un certain moment. Et l'Atlantide, je pense qu'il y a eu quelque chose à l'origine. Quoi exactement, je ne sais pas encore. Peut-être le saura-t-on un jour. Elle est forte, cette croyance qui veut que derrière toute légende se trouve un fond de vérité. Plus forte encore quand cette légende touche à un mythe qui, comme celui de l'Atlantide, a réussi à traverser les siècles pour se rendre jusqu'à nous. Mais que cache donc cette légende de l'Atlantide qui continue aujourd'hui encore de nous fasciner autant? Qu'est-ce qui appartient au mythe? Qu'est-ce qui appartient à la réalité quand il s'agit de l'Atlantide? Comment, enfin, départager doutes et certitudes devant pareille et si durable légende? Nous avons la certitude, premièrement, de la civilisation. C'est la civilisation minoenne crétoise. Nous avons la certitude de la datation. C'est 1500 avant Jésus-Christ. Nous avons la certitude de la disparition en 24 heures d'une civilisation entière. Alors, il ne reste plus qu'à faire le pas. Était-ce une terre? Était-ce une civilisation maritime? Alors je pose la question. Il est probable qu'il a existé soit une grande île, soit un petit continent qui a disparu au cours des âges, c'est pas impossible, de pareils phénomènes se sont produits, et où il y avait une civilisation assez extraordinaire, car voyez-vous, aucune légende ne part jamais d'absolument rien. Le déluge, on sait qu'il y a eu, quelque chose qui a ressemblé à un déluge à un certain moment. Et l'Atlantide, je pense qu'il y a eu quelque chose à l'origine. Quoi exactement? Je ne sais pas encore. Peut-être le saura-t-on un jour. À nouveau, l'auteur et journaliste français Georges Blond, qu'on entendait au tout début de l'émission, extrait de l'émission Entretien, les océans, du 4 janvier 1975. Et juste avant lui, on entendait le biologiste et navigateur Alain Bombard à l'émission L'Aventure en mars 1989 pour nous guider sur cette légendaire route de l'Atlantide. Mon invité, l'historien Raphaël Welland, un habitué de l'émission. Raphaël Welland, bonjour. Bonjour, Jacques. Cette légende-là, la légende de l'Atlantide, elle est très certainement l'une des plus célèbres, l'une des plus durables de toute l'histoire de l'humanité, Raphaël Welland. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que la légende de l'Atlantide a la vie si dure? D'abord, je crois qu'elle concentre un ensemble d'éléments qui sont universels, qui parlent à tous les êtres humains et qui se trouvent d'une certaine manière derrière les yeux des humains, dans la psyché collective. L'idée du paradis perdu, l'idée de la punition divine pour l'outrance humaine, pour l'oubris. Il y a d'autre part donc un mythe d'engloutissement qui est commun aux civilisations aussi bien du Pacifique que de l'Atlantique, aussi bien aux Grecs qu'aux Africains. On retrouve donc cette idée-là un petit peu partout. D'autre part, il y a le fait que ce mythe de l'Atlantide, il nous ait été propagé au départ par le grand philosophe Platon, un homme auquel qu'on a l'habitude de considérer comme une source d'autorité. Ouais. Elle a d'autre part été reprise par tout un ensemble de grands auteurs jusqu'à nos jours, jusqu'à dernièrement, et donc elle reste constamment alimentée. Il y a d'autre part le fait que, assez récemment, un certain nombre de découvertes archéologiques de villes qui avaient pu être englouties, qui avaient pu être détruites par les flots, ont amené une sorte de vernis scientifique à ces idées littéraires, ces idées de légende. Relance le mythe. Absolument, tout à fait. Ouais. Il semble lui donner, donc, je le dis, un vernis scientifique qui, évidemment, confirme les idées des gens. Alors, avant d'aller plus loin, en un mot, qu'est-ce qu'elle raconte? Et avant de parler de Platon plus spécifiquement, mais en gros, qu'est-ce qu'elle raconte, cette fameuse légende de l'Atlantide? Alors, l'Atlantide, ce serait une île ou un continent, on n'est pas tout à fait certain, mais donc un énorme territoire très peuplé, très riche, béni des dieux, dans lesquels vivrait une civilisation extraordinairement avancée. Et un jour, cette civilisation donc, se fâcherait avec les dieux, combattrait une cité en particulier. Alors, dans le cas de Platon, c'est Athènes, mais il y a d'autres exemples. Donc, ces gens-là iraient trop loin à un moment donné et seraient punis. Seraient punis de quoi? Eh bien, seraient punis avec leur île qui sombrerait au fond de la mer et leur grande civilisation avancée s'effondrerait avec eux. Ouais. Platon, il est central, on en a déjà parlé, dans la naissance de ce mythe de l'Atlantide. De quelle manière? Qu'est-ce qu'il nous dit, le brave Platon, à ce sujet-là? Alors, Platon est quelqu'un donc, qui écrit des textes philosophiques, des dialogues philosophiques, dans lesquels il met en scène un ensemble de personnages qui discutent, auxquels il donne des noms divers. Souvent, ce sont des personnages qui ont réellement existé, mais c'est lui qui choisit les mots qu'il met dans leur bouche. Hein. Il ne faut pas croire qu'il rapporte d'autres propos. Dans deux de ces dialogues, le Timée et le Critias, qu'on est à la fin du 5e, début du 4e siècle avant Jésus-Christ dans la ville d'Athènes en Grèce, il est le premier donc à nous parler de ce mythe de l'Atlantide. Dans le premier, dans le dialogue du Timée, donc, un personnage qui s'appelle Critias est un riche Athénien qui raconte qu'il tient de son arrière-grand-père qui aurait fait un voyage en Égypte, terre lointaine pour les Grecs. Donc son arrière-grand-père aurait fait ce voyage et il aurait entendu parler là-bas par un prêtre d'une guerre qu'aurait menée la ville d'Athènes contre une grande île installée au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire dans l'Atlantique pour les Grecs, une grande île qui s'appelait Atlantis, qui était grande comme en gros tout le Proche-Orient réuni, extrêmement riche, et cette île aurait été vaincue par Athènes et se serait abîmée, perdue dans la mer. Donc ça c'est le Timée. Deuxième élément, le Critias. Le Critias, donc, dans lequel le même personnage de Critias raconte de nouveau une histoire semblable, avec un petit peu plus de détails. Là, les Atlantes, les habitants de cette grande île, sont les descendants du dieu Poséidon, le dieu de la mer, qui leur fait tout un ensemble de cadeaux. Leur île regorge des plus grandes richesses, notamment des métaux qui auraient disparu depuis de la surface de la Terre. Ils sont très nombreux, très puissants. Ils font de nouveau la guerre à Athènes. Mais on ne sait pas tout à fait comment est-ce que ça se termine, parce que le récit du Critias a été perdu et donc on ne sait pas comment est-ce que c'est censé se terminer. Mais la base, au fond, c'est ce qu'il faut retenir du grand mythe de la légende de l'Atlantide. C'est Platon qui la pose dans les termes dont vous venez de nous parler. Ce qui est fascinant, c'est qu'on l'a évoqué, il va se perpétuer, ce mythe-là, au fil du temps, par différentes œuvres littéraires et puis par le récit dans l'oralité qu'on en fera. Comment se perpétue cette légende ou ce mythe de l'Atlantide au fil des siècles, quels éléments, surtout, on en reparlera dans un instant, Raphaël Bonan, mais quels éléments reviennent constamment d'un récit à l'autre autour de la légende de l'Atlantide? À nouveau, le biologiste et navigateur Alain Bombard à l'émission L'Aventure en 1989. La civilisation crétoise est détruite en 24 heures. 24 heures! Alors, la tradition va s'en emparer. On va commencer à raconter l'histoire. Et où la raconte-t-on? Ben, à un endroit où on a pu survivre après la catastrophe. On la raconte en Égypte. Il n'y a pas de tradition écrite à l'époque. Les seuls qui écrivent, ce sont les scribes, les savants, les prêtres. Le peuple, lui, parle. Et il raconte les sept plaies d'Égypte, et il raconte la pluie de cendres, et il raconte les rats de marée. Ces rats de marée qui sont décrits sur pratiquement tous les stèles égyptiens de l'époque. L'Égypte dont vous parliez un peu plus tôt, Raphaël Wallan, on retrouve Platon, les rats de marée, l'engloutissement, le mythe de l'engloutissement dont vous parliez aussi. Il y a des choses qui reviennent. Il y a deux choses, en fait. Il y a comment se perpétue, lui parle d'oralité, Alain Bombard, mais comment se perpétue ce mythe au fil du temps? Puis qu'est-ce qui revient tout le temps, peu importe la version à laquelle on a affaire? En fait, la grande question, c'est de savoir si Platon est celui qui a créé ce récit ou s'il l'entend de quelqu'un d'autre et il le remet en place. Ouais. La raison pour laquelle le récit va acquérir une si grande notoriété, c'est parce que Platon lui-même a une grande notoriété. En fait, pendant très longtemps, jusque dans les années 60 au Québec, par exemple, les autorités, les bourgeois, les nobles vont suivre une éducation qu'on va appeler le cours classique. Ouais. Et donc, ils vont apprendre à lire avec Platon, qui va devenir pour eux source d'autorité. Et donc, quand Platon raconte qu'il y a l'Atlantide, on le croit, de la même manière qu'on croit d'autres choses. Sauf que Platon raconte aussi toutes sortes d'autres mythes et légendes. Il raconte toutes sortes de légendes pour illustrer son propos. Il raconte par exemple que les êtres humains étaient au départ des êtres en rond, avec quatre bras, quatre jambes et deux têtes, et que les dieux leur enviaient leur bonheur, donc ils les ont coupés en deux, et depuis nous cherchons notre âme sœur. Ouais. Et là pourtant, il n'y a personne qui va aller chercher et croire qu'au départ on était donc des êtres ronds avec deux têtes, toutes sortes de choses du genre. Donc la raison pour laquelle cela acquiert une autorité, c'est du fait de Platon, c'est aussi du fait que ça revient et ça répercute toutes sortes d'autres légendes qui existent ailleurs dans le monde. Alors, pour donner quelques exemples, donc Monsieur Bombard parlait du mythe de l'engloutissement. Il y a l'histoire donc de l'arche de Noé qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Il y a une histoire de la mythologie grecque et celle de Deucalion, fils de Prométhée, celui qui a volé le feu aux dieux pour l'amener à l'humanité et qui lui aurait été donc balancé avec un bateau et il échoue sur une montagne, le mont Parnasse, à côté de la ville de Delphes et de là refonde l'humanité. Ça ressemble beaucoup à l'arche de Noé. Il y a une autre légende dans l'île de Théonimanou, dans les îles Salomon, donc là on s'en va dans le Pacifique, et cette île-là aurait été submergée par les flots après qu'une femme du lieu, qui était mariée à un roi sorcier, avait trompé ce roi avec son frère, et pour la punir, donc il aurait submergé l'île sous les flots. De telle manière que cette histoire va se transmettre du fait de l'autorité de Platon et du fait que en fait, tout le monde a entendu quelque chose d'un peu semblable, peut-être parce qu'effectivement il y a les marées, il y a des moments où la mer submerge la terre et donc ça parle à l'inconscient collectif. Avec, dans le cas de l'Atlantide et ces histoires parallèles, de fait, ça pourrait être les mêmes questions qui sont en cause, mais j'allais dire, dans le cas de l'Atlantide, deux grandes questions qui reviennent aussi constamment. Est-ce que elle a vraiment existé, cette île ou ce continent d'Atlantide? Et dans la mesure où on reconnaît que l'Atlantide a existé, où se trouvait-elle, cette île? À nouveau, l'auteur et journaliste français Georges Blond à l'émission Entretien, les océans, en 1975. Selon cette légende, un continent extraordinaire aurait existé, un continent immense, fabuleux, qui avait des richesses énormes, qui était habité par des gens d'une intelligence, d'une taille et d'une civilisation extraordinaire. Alors, où se situe ce continent? Eh bien là, on ne sait encore pas, car il y a différents points de vue qui ont été exposés aussi brillamment les uns que les autres. On pourrait penser qu'il s'est situé à peu près où se situent les Barbades actuellement, voyez-vous. Il y a une autre thèse qui le situe moins loin de l'Europe. Il y a même une autre thèse qui a été défendue par Michel de Grèce et par d'autres écrivains grecs, selon laquelle l'Atlantide serait été la Crète. Parce que la légende de l'Atlantide, en gros, c'est ceci. Des navigateurs, des gens extraordinaires venus de ce continent, ont débarqué en Grèce, ont attaqué la Grèce et finalement ont été vaincus et ont disparu. Et ce continent a disparu. Voilà, en gros, la légende. Alors, où situer le continent, on ne sait pas. Et certains disent que c'était la Crète pour des raisons qui seraient un peu longues de développer ici. Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il n'est pas du tout impossible qu'un continent comme l'Atlantide ait existé au large des États-Unis, peut-être du côté de l'endroit où se trouve actuellement la mer des Sargasses ou les Antilles britanniques. C'est assez fascinant, Raphaël Wallande, d'entendre le sérieux, au fond, avec lequel on se demande aujourd'hui encore où se trouvait l'Atlantide, évidemment, dans la mesure où il a bien existé. Il y a effectivement une sorte de mouvement pseudo-scientifique qui va se développer à partir du 19e siècle autour de la recherche de l'Atlantide. Alors dans les salons inspirés du romantisme et du fantastique au 19e siècle, on va s'intéresser à des personnages qui se présentent eux-mêmes comme des descendants, des réincarnations ou de véritables Atlantes. Et dans les grands salons de Paris ou de Londres, eh bien, il faut avoir son Atlante dans son salon, sinon vous êtes un personnage qui est passé de mode, disons des choses comme ça. Ça va acquérir un caractère un peu plus scientifique dans les années 2000 en particulier, parce qu'on va organiser toute une série de grandes conférences en Grèce, en 2005 dans l'île de Milos, en 2008 à Athènes et en 2010 à Santorin. Dans ces grandes conférences, on va essayer de se mettre d'accord pour débroussailler le terrain, se débarrasser des choses non scientifiques et ne garder que le scientifique. Ouais. Alors on va prendre le texte de Platon et on va déterminer, voici tout ce qu'il dit, il faut que tout ceci fasse partie des éléments qui nous permettent de découvrir ce qu'est l'île, puisque c'est à partir du texte de Platon dont on part. C'est la seule chose. Voici les attributs. Absolument. Qui constituent en principe cette Atlantide qu'on cherche. Voilà. Alors, on va se mettre d'accord sur 24 points essentiels, desquels on ne peut pas déroger. Alors, il faut que l'île soit pas très loin d'Athènes. Mais en même temps, il faut qu'elle soit entourée de larges falaises, qu'elle puisse fournir 1,2 million de soldats. Il faut qu'elle possède un type de métal inconnu sur Terre. Bon, il y a toutes sortes de points comme ceci. À partir de là, il y a toutes sortes de théories qui sont évoquées. Donc, on a entendu un continent qui sortirait de l'Atlantique et dont les Açores seraient la seule portion immergée. D'autres vont parler de l'île de Chypre. Alors, dans une de ces conférences, quelqu'un arrive avec des photographies extraordinaires mer. Puis finalement, on se rend compte que ce qu'il prétendait être un mur au fond de la mer, en dessous de l'île de Chypre, était en réalité une chaîne de volcans. Donc on le voit, il y a beaucoup de personnes pseudo-scientifiques qui se présentent dans ce genre de conférences. Et au final, la liste des 24 points, elle est essentielle. Ouais. Vous partez du texte de Platon. Donc si vous voulez que l'Atlantide existe, alors tout ce que dit Platon doit être accepté. Sauf qu'à partir du moment où vous acceptez tous ces points, il n'y a aucun lieu qui peut y correspondre. Et donc vous ne pourrez jamais trouver votre Atlantide. Ouais. Donc en principe, l'affaire est entendue, mais ce n'est jamais si simple. On reste... on va revenir aux années 2000, mais petite incursion quand même, parce que ces travaux scientifiques commencent avant. Et déjà au 20e siècle, dans les années 1930, il y a une première fouille importante, parce qu'il y en aura une deuxième en 2000, dont on va parler dans un instant. Mais 1930, vous l'évoquiez, Santorin, il y a des fouilles qui sont faites, qui sont importantes pour nourrir ce mythe de l'Atlantide à Santorin. Je propose d'écouter à ce propos un extrait de l'émission Science-Réalité, diffusée le 7 juin 1983. Tout d'abord, Santorin n'était qu'une partie du monde. La partie principale, en fait, le centre de l'Empire des Atlantes, qui en fait correspond à la civilisation de Minos, les Minoéens, probablement, n'était qu'une partie. L'île de la Crète était une partie plus importante. Et on a retrouvé au Santorin même, sous 10 à 15 mètres de dépôts volcaniques, les vestiges de bâtiments, toute une ville organisée avec exactement les mêmes caractéristiques du point de vue archéologique, le type de matériaux utilisés, la façon dont les maisons étaient construites, les peintures qui s'y trouvent, l'écriture correspondant à cette civilisation de Minos. Et les vestiges trouvés au cours de ces fouilles au Santorin, à Akrotiri, permettent de dater avec précision le moment où la ville a été recouverte par ces cendres. Et aujourd'hui, la détermination de l'âge de ces matériaux brûlés donne des âges qui se situent entre 1450 et 1500 et 1510. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert précisément à Santorin, Raphaël Walland, et quel lien on peut faire ou pas entre cette découverte et l'éventuelle existence de l'Atlantide? Alors, il est important de dire que maintenant, on entre dans des recherches avec un caractère un peu plus scientifique. De la vraie science. Là, on était dans un peu plus, disons. Ouais. Alors, en gros, les historiens, les spécialistes de la philosophie, des gens comme Pierre Vidal-Naquet, par exemple, avaient considéré pendant longtemps que l'histoire de l'Atlantide, c'était une simple parabole qui aurait été inventée par Platon et qu'il n'y avait rien à trouver là. Sauf que dans les années 30, un scientifique respecté, un archéologue grec qui s'appelle Marinatos, fait des fouilles archéologiques dans l'île de Santorin, disons dans le centre de la mer Égée. Et là, il va découvrir effectivement, donc, sous des mètres et des mètres d'éjecta volcanique, une ville entière, la ville d'Akrotiri, qui rappelle un petit peu Pompéi, par exemple, une ville donc enterrée sous les déchets volcaniques, et dans laquelle il se rend compte qu'effectivement, on est là dans un avant-poste d'une civilisation plus large, dont le centre était situé dans l'île de Crète, à peu près 200 km au sud. Donc un avant-poste de cette civilisation minoenne, civilisation de la Crète, entre en gros 1800 et 1200 avant Jésus-Christ. Là, par toutes sortes de méthodes, on va effectivement dater la catastrophe qui aurait détruit cette ville d'Akrotiri. Elle aurait détruit du jour au lendemain, presque. Hein. Et on va dater, donc, comme on l'a dit, d'à peu près 1450-1500 avant Jésus-Christ. Or, à la même époque, pendant longtemps, on datait d'une même époque le fait que en Crète même, donc la civilisation minoenne, le centre de la civilisation minoenne, ait été frappé par une catastrophe qu'on ne connaissait pas, mais qui était de grande ampleur et qui aurait détruit en grande partie la civilisation. Donc on faisait un lien. Il y a eu une catastrophe, un tremblement de terre et puis une éruption volcanique. Elle a détruit Akrotiri. En même temps, un raz-de-marée probablement qui aurait été provoqué par cela. Et on retrouve effectivement des éjectats, des morceaux du volcan de Santorin jusqu'en Égypte, jusqu'en Syrie, de cette même éruption-là. Et donc, peut-être raz-de-marée et engloutissement. Alors, pas engloutissement complet, mais vraiment un tsunami qui aurait ravagé la civilisation minoenne. Donc, on en est là dans les années 30. Le problème avec cela, c'est qu'aujourd'hui, on a réévalué la civilisation minoenne et notamment son moment de destruction. Je vous ai dit tout à l'heure, entre 1800 et 1200 avant Jésus-Christ. C'est parce que ça va se faire par étapes. Si la ville d'Akrotiri, elle, va être détruite presque du jour au lendemain, la vérité, c'est qu'en Crète, il n'y a pas de destruction brusque. Donc, il y a peut-être eu un tsunami, il y a peut-être eu des destructions à peu près à ce moment-là, mais elles n'ont pas eu l'ampleur suffisante pour représenter un équivalent de la destruction, de l'engloutissement complet d'une civilisation, comme c'est le cas dans l'histoire de l'Atlantide. Ça colle pas. Pas complètement, en tout cas. Il reste que les chercheurs continueront leurs travaux. Autre découverte, plus proche de nous, en 2000, en fait. Franck Godiot, qui va de l'Institut européen d'archéologie sous-marine, qui va faire sa propre découverte, une cité sous-marine. Et là encore, on va se dire, tiens, est-ce qu'on tient l'Atlantide entre nos mains? Extrait du documentaire qui sera produit sur cette découverte, Cités Andalousies, Tonis et Eradion, qui a été diffusé à la chaîne Arte en 2017. Au départ, nous avions simplement quelques mentions de deux villes, du nom d'Héraclion et de Tonis, dans les textes anciens. Solon, Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon. C'est tout. Et on se doutait que cette branche canopique du Nil et la bouche canopique du Nil devaient être en baie d'Aboukir. Maintenant, quand je suis arrivé en baie d'Aboukir, de l'eau, rien n'était visible, bien sûr. Donc, s'il y avait quelque chose, ça devait être sous les flots. Nous avons effectué une prospection géophysique systématique de toute la baie d'Aboukir. D'abord, on a fait une bathymétrie très précise qui nous donne un relief extrêmement précis de tous les fonds de la baie d'Aboukir. Et puis une couverture aussi magnétométrique très précise qui nous montre au milieu de la baie des signaux très puissants sur le plan magnétique. Ça veut dire que sur le fond de la baie, ou peut-être sous le sédiment, il y a des artefacts qu'il faut bien sûr identifier. Alors la question qui tue, Raphaël Walland, est-ce que Franck Godiot a découvert les vestiges de l'Atlantide? En réalité, non. Franck Godiot découvre les vestiges d'une autre ville qu'on connaissait par différents textes. Une ville dans laquelle on savait que, par exemple, Cléopâtre avait été couronnée. Donc une ville qu'on va appeler la ville d'Héraclion. Mais il va découvrir des choses extraordinaires. Ça va relancer, parce que c'est dans le fond de l'eau, l'idée que l'Atlantide pourrait exister, puisqu'on avait des textes, on ne connaissait pas la cité. Mais à partir des textes, on a trouvé la ville dans le fond de l'eau, effectivement, c'est très bien. Sauf que le problème, on revient un peu à la même chose avec cette histoire de l'Atlantide. Les textes pour Héraclion disaient une chose, quand on est allé à l'endroit, on a trouvé la ville. Les textes de l'Atlantide racontent un peu n'importe quoi. Ouais. Alors, où est-ce que vous voulez chercher? Dans le fond de Chypre? Dans la chaîne de volcans sous-marins? Mais le mythe à la vie dure, j'ai envie de vous lancer un peu en boutade pour terminer cette émission. Quel avenir lui prédire à ce mythe avec ce que le passé nous dit? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on peut peut-être essayer un compromis entre la science et la pseudo-science. Je crois que les idées qui étaient celles de Marinatos, donc les idées d'une catastrophe naturelle dans la ville de Santorin qui aurait produit un raz-de-marée tel qu'il aurait laissé un impact dans la psyché humaine et qui se serait ensuite réverbéré et dont Platon serait l'un des lointains tentacules, cela je peux l'imaginer. Mais de là à imaginer qu'on va trouver dans le fond de la mer une grande civilisation avec des métaux extraterrestres qui auraient été construits par les extraterrestres, des choses de ce genre-là, je n'y crois d'aucune manière. Raphaël Walland, doctorant en histoire à l'Université de Montréal et à l'Université de Kiel en Allemagne, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.